Mais où peut-on trouver du beurre Elvire en promotion? Vous êtes plutôt doux ou salé? Pour les prix, plutôt doux. Ah, comme moi. Du 12 au 17 mars dans les magasins U et sur courseu.com, il y a 60% de remise immédiate sur le deuxième beurre rouleau Condé sur Vire Elvire. C'est 3,50€ les deux rouleaux au lieu de 5€. Et avec votre carte U, obtenez un ticket à gratter pour le grand jeu. U, commerçant autrement. Rouleau 250 grammes, 7€ le kilo des deux. Variété au choix, valable pour un retrait du 12 au 17 mars inclus. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. 9h. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Verdun, la forêt s'en va en guerre. Le journal L'Écho de France, le 30 décembre 1914, donne des informations sur les combats dans l'est de la France. Après de très violents combats, nos troupes se sont emparées d'un château en ruine, tandis que, dans la même journée, au sud-est de Verdun, dans la forêt d'Apremont, près de Saint-Mihiel, nous avons, après trois contre-attaques, réussi à reprendre des tranchées que l'ennemi nous avait enlevées précédemment. Verdun 1914 n'est pas Verdun 1916. Dès la mobilisation, les forêts sont concernées. Quelle place pour ces forêts dans la guerre Verdun ? 1916, les Allemands se ruent sur Verdun. La France fait face à un assaut formidable qui se prolongera jusqu'au dernier jour de la guerre. 400 000 Français et 600 000 Allemands y trouveront la mort. Verdun, c'est le souvenir d'un cauchemar. Jean-Paul Hamas, bonjour. Xavier Mauduit, bonjour. Y a-t-il des forêts à Verdun avant la guerre? Comment c'était là-bas? L'extrait que vous venez de passer est très intéressant, parce que derrière le terme, le mot Verdun, qui est la ville, la bataille de Verdun, il y a le territoire sur lequel se développe la bataille. Et il y a aujourd'hui la forêt dite de Verdun, la forêt domaniale de Verdun. Ces entités sont différentes, ne se recoupent. Pour répondre directement à votre question, la forêt domaniale de Verdun aujourd'hui, qui fait 9600 hectares, était avant la guerre et pendant la guerre un espace rural, un espace agricole. Et sur le périmètre de ces 9600 hectares, il y avait environ 3000 hectares boisés et 6000 hectares de terres agricoles. Donc le champ de bataille de Verdun ne se fait pas en forêt. La guerre ne se fait pas en forêt, elle se fait surtout en terre ouverte, en terre agricole, sur des terroirs d'anciens villages qui ont disparu, ce qui est une des caractéristiques de cette forêt, et aussi dans des bois qui étaient communaux ou qui étaient privés, des petits bois. On peut imaginer ce qu'était le paysage de Verdun, en allant à quelques dizaines de kilomètres au nord ou au sud, où on retrouve quasiment dans cette région lorraine des paysages identiques, des structures identiques, des structures agraires identiques à celles qu'elles étaient en 1914. Nous avons des champs et puis des bois, donc des petits des îlots. Des petits bois de quelques dizaines, de quelques centaines d'hectares, qui sont souvent en limite de finage. C'est ce qui reste des grands défrichements, c'est ce qui reste de l'implantation qui remonte à la période romaine et puis qui s'est ensuite stabilisée, développée, agrandie dans le courant des siècles. Et qui a donné un paysage, je dirais, bucolique avant la guerre, hein, sur lequel va s'imprégner le conflit, et en particulier cette bataille de Verdun. Je disais qu'en 1914, au moment de la mobilisation, les forêts aussi sont concernées. Oui. Les forêts sont mobilisées, et là, on peut le dire partout en France. Ah, tout à fait, les forêts sont mobilisées. Les forêts sont mobilisées après la guerre de 1870. Parce que on se rend compte que on a mal combattu en forêt, que l'armée française, l'armée de 1870, n'a pas saisi, n'a pas su comprendre que le territoire sur lequel on a combattu, que ce soit de Frochevillers, enfin surtout, c'est évidemment le nord-est de la France, c'est pas l'Aquitaine, c'est pas la forêt des Landes, qui participe à la guerre autrement, mais que l'armée française a mal jugé l'espace et la diversité de cet espace, et en particulier le monde forestier qui offre au déplacement des armées, par exemple, hein, ou à la protection des soldats, des défenses naturelles. Et donc, à partir de 1873 jusqu'en 1914, l'armée s'intéresse aux forêts et elle en fait, dans le nord-est de la France, un outil d'aménagement du territoire dans la prévision, ce qui est un des rôles du ministère de la guerre ou de la défense, dans la prévision d'une éventuelle guerre suivante. La forêt est intégrée progressivement. Et en fait, lorsque la guerre commence en 1914, l'espace forestier est cartographié, il est bien connu, plus ou moins bien connu, mais il participe de la réflexion en termes de stratégie, en termes d'organisation du territoire, il participe à une réflexion nationale. Et de défense aussi. Est-ce que avant la guerre, on s'est imaginé que ces forêts pouvaient arrêter l'avancée de l'ennemi ? Oui. Je reste dans le nord-est de la France. Le traité de Francfort de 1873 modifie totalement la géographie du nord-est. Ah oui, on perd l'Alsace-Lorraine. On perd l'Alsace, on perd la Moselle. Et si nous nous plaçons sur les hauteurs au nord, à l'est de Verdun, la frontière allemande est à 30 km. On a donc, en termes d'aménagement de défense du territoire, une nouvelle stratégie à penser, une nouvelle organisation. Alors sur le plan militaire strict, c'est l'implantation et c'est le développement du réseau fortifié dit serré de rivière avec les forts, etc. Et avec les places fortes. Verdun devient une place forte. Mais cette place forte, elle s'inscrit dans un paysage humain et dans un paysage naturel. Et si l'on change d'échelle, ou si l'on change de matériaux, la forêt, le petit bois, le boqueteau devient un élément de la défense. Et à partir des années 80-90, on voit alors un travail de sculpture de la forêt en particulier le génie militaire qui a en charge cette réflexion sur les forêts. La forêt participe à l'aménagement du territoire. Ainsi, je prends un exemple, lorsque se structure la défense fortifiée de Verdun, une série de forts, il faut mettre en relation les forts les uns avec les autres en cas de conflit pour ne pas les isoler à l'intérieur du système. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir des liens et des liens visuels, par exemple des systèmes d'échange par éclairage de l'un des forts des moyens de communication. Mais pour ça, il faut que d'un fort à l'autre, on puisse voir s'il y a une forêt, on gère cette forêt de sorte que on crée, et les photographies et les textes montrent bien, on crée des couloirs visuels. Créer des couloirs visuels, c'est faire ce qu'on appelle des abatis. Des abatis. Les abatis militaires, c'est transformer une forêt en élévation avec des arbres qui montent à 10, 15, 20 mètres en une sorte de forêt basse, de pieux. Si vous voulez, imaginons des pieux comme les pieux Rommel de la Deuxième Guerre. On coupe à 80, on coupe à 70. On laisse aussi tout ce qu'on a coupé sur le sol, ça permet de faire. Et on a ainsi des déboisés militaires. Déboisés militaires, bois résiduels, participent à l'organisation de la défense. Et dans le même temps, vous nous avez dit que des forêts, même lointaines, par exemple les Landes, sont concernées par la mobilisation. Alors, en quoi le bois des forêts, je pense notamment, peut être utile aux militaires à l'effort de guerre ? Le bois, c'est essentiel comme matériau. L'effort de guerre, c'est ça. C'est en effet l'effort de guerre. Cet effort de guerre, on le voit très rapidement, le besoin en bois. Ça explique aussi ce que sera le boisement de ces terres agricoles. Le besoin en bois se manifeste très tôt. Et pour cela, je vais appeler, si vous voulez, à la barre, un témoin. Et je vais vous lire dans les archives du service historique de la défense, les archives de la Première Guerre mondiale, un texte de 1915 concernant l'approvisionnement en bois. Il est dit ceci. Des Flandres à la Suisse, peu à peu, il s'est établi sur le front des armées une piste boisée, pour ainsi dire continue, dont les divers éléments ont été faits, défaits, refaits, consolidés au fur et à mesure des enseignements de la guerre et des pratiques de l'ennemi. Des Flandres à la Suisse, c'est 800 kilomètres. C'est énorme. C'est énorme. Une piste boisée, ça signifie que le bois est utilisé sur ces 800 kilomètres. Par quoi et pourquoi est-il utilisé? Parce que lorsque on passe de la guerre de position à la guerre, de la guerre de mouvement à la guerre de position, les soldats s'enterrent. Et s'enterrant, il faut aménager les tranchées. Je passe là-dessus, mais le bois est un élément essentiel, un apport essentiel. On flanque les tranchées et on aménage au sol pour la circulation ce qu'on appelle les caillebotis. Imaginons 800 kilomètres de caillebotis. Il faut beaucoup de bois. Il faut beaucoup de bois. Ça, c'est la distance. Refait et consolidé, ben parce que le moindre bombardement dans cette guerre de position, c'est la démolition de ces tranchées, la démolition des boyaux. Il faut reconstruire. Alors, il faut détruire, reconstruire, renforcer. La demande est accrue. Et c'est ainsi que s'identifient, mais on le savait, les militaires, dans les carnets d'instruction. Tout est décrit, tout est normalisé. Il faut tel bois pour construire tel élément de tranchée. Il faut des petits bois pour faire des piquets, des golettes, des rondins, pour faire des planchers de coupe. Il faut des grumes, des gros bois, les troncs qui partent en scierie pour faire des assemblages normalisés qui sont faits aussi sur le terrain. On a des fascines, des gabions, des clés. Tout ça, c'est du bois typique, c'est normalisé. Quantité. Normé, hein. Bon, avant la guerre. Avant la guerre, il y a une vraie réflexion. La normalisation ne date pas d'aujourd'hui. Bah, l'armée. Normée, un ster pour un mètre carré de front. Ah d'accord. Voilà. Un mètre cube, un mètre carré. Ouais. C'est, en gros, c'est ceci. Pour 100 mètres linéaires de tranchée, il faut 7200 kilos de petits bois. Pour un front d'un kilomètre dans une région boisée, parce qu'en plus, il y a des régions où les fronts traversent des zones où il n'y a pas de bois. Ah oui, donc là, il faut le faire venir. Un kilomètre carré en Argonne, 3000 tonnes. Total en Argonne, pour un front dans la forêt d'Argonne, 20 kilomètres carrés, 110 000 tonnes à peu près de bois. Voilà, ça, ce sont des chiffres. Il faut donc satisfaire ses besoins. Et satisfaire ses besoins, ben, c'est l'empirisme au début. Et puis, et la guerre dure. Et donc de l'empirisme, on passe à l'organisation. Et je souhaite là citer un personnage qui est le général Georges Chevalier. Parce que Georges Chevalier, qui est un polytechnicien, qui connaît bien Joffre, qui est lui-même polytechnicien, qui en 1910 devient directeur du génie. Il n'est pas dans la cavalerie. Il n'est pas dans la cavalerie. Il a choisi le génie, comme Joffre. Et Joffre et Chevalier se connaissent parce que l'un dit « Moi, je construis les voies ferrées et toi, tu m'apportes les traverses. » Pour construire. Or, et c'est là que ça nous lie à lundi, le général Chevalier est originaire de Troncé. La grande forêt construite par Colbert. Construite par Colbert. Il est à Chérisy, au nord, au sud de Troncé, un village qui appartient, dont une partie de la commune, du territoire communal est dans la forêt. Il a vécu une partie de son enfance dans la forêt. Il connaît bien les forestiers. Et lorsqu'il est militaire, là, après sa formation au génie, il devient responsable des bois au ministère. Et c'est lui qui organise, sur les 3 ans, c'est de la fin 15 jusqu'à 1918, qui organise les systèmes de la gestion économique et militaire des bois de France. Dans nos représentations mentales de la Première Guerre mondiale, la tranchée est essentielle. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, on parle beaucoup de la boue, mais il y a tout ce bois dans les tranchées. C'est vrai que la Première Guerre mondiale, c'est longtemps une guerre de position dans les tranchées. Mais avant d'être une guerre de position, vous l'avez rappelé Jean-Paul Hamma, il y a cette guerre de mouvement au tout début, en 1914. J'ai eu l'occasion d'en parler, c'est la mort d'Alain Fournier. Eh bien, je n'ai pas vu tomber, oui. Il est tombé dans le bois de Saint-Rémy, sur les Hauts-de-Meuse, et le jour même, le soir, nous avons pris les avant-postes sur un champ de bataille, encore tout chaud. Et en face de nous, nous étions à l'orée d'un bois. Il y avait en avant une clairière sur laquelle la nuit tombait et qui était jonchée de cadavres, mais aussi de blessés ou d'agonisants qu'on n'avait pas pu ramasser et secourir. Eh bien, on n'a jamais retrouvé le corps d'Alain Fournier. Et depuis, on ne me retirera jamais de l'esprit que parmi les voix qui se plaignaient, qui gémissaient dans cette nuit vraiment sinistre, il y avait celle de l'auteur du Grand Maul. Nous étions en 1978 quand l'écrivain Maurice Genevoix évoquait la mort d'un autre écrivain, Alain Fournier, l'auteur du Grand Maul. Alain Fournier qui est mort au combat le 22 septembre 1914 dans la Meuse. Depuis, son corps a été retrouvé en 1991. Maurice Genevoix évoque le bois, une situation très particulière pour le combat. Jean-Paul Hamard, bien sûr, combattre dans la plaine, c'est risquer de s'exposer. Alors avant de s'enterrer, on a envie peut-être de se cacher dans les bois. Ces bois, ces forêts, mais jouent un rôle essentiel dans les premiers temps des combats. Oui, il est très émouvant d'entendre Maurice Genevoix. Je vais, pour compléter ce texte, vous l'appeler comme témoin aussi, hein, mais par ma voix. Voilà ce qu'il écrit aux Éparges le 20 décembre 1914. « Alors, et presque ensemble, tous les arbres me montrent leurs blessures, leur chair poignardée par les balles, lacérée par les éclats d'obus. Les boches ont dépassé la crête. Cette tranchée fut à eux, où se rouillent des chargeurs. Les arbres, lorsque je me retourne, sont blessés des deux côtés. » Une autre citation dans Nuit de guerre, aussi sur les hauteurs la tranchée de Calonne. Parfois, un craquement colossal prolonge l'explosion d'un obus. Puis, c'est un frémissement des cimes, un crépitement de branches qui cassent, et l'on voit un des géants rester debout par la clairière, s'incliner lentement vers le sol, accélérer sa chute et s'abattre de toute sa hauteur dans un gémissement d'air fouetté. Et lorsqu'enfin il est tombé en travers des taillis écrasés, immense cadavre allongé dans les herbes, il semble qu'un remous énorme se creuse à la place même où s'épanouissait sa ramure. On a donc là, c'est assez extraordinaire, hein, les récits que peuvent les écrivains installés, assis, ou les écrivains en herbe comme Alain Fournier, les réactions qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des arbres. L'ambivalence de l'homme et de l'arbre, de l'homme et de la forêt. Pour répondre à votre question, lorsque l'offensive de l'automne de septembre 1914, qui conduit à la contre-offensive de la bataille de la Marne, se fait dans l'est de la France, les armées allemandes, 4e et 5e armées, pivotent autour de Verdun, dont on a peur parce qu'on connaît cette place forte. Elle pivote. Et en pivotant, elle rencontre une masse forestière nord-sud, sur une centaine de kilomètres, qui est l'Argonne. Eh bien, les deux armées, la 4e et la 5e, se séparent. L'une descend le long de la dans Champagne, l'autre descend en Lorraine. Mais elles ne pénètrent pas dans la forêt. Et elles descendent, elles vont vers le sud, et devant elles, elles ont les armées françaises en retrait, en retraite. C'est en face de la 4e allemande, la 4e française, et de la 5e allemande, la 3e. Et on recule, on ne pénètre pas en forêt, sauf quelques petites troupes qui, par des chemins intérieurs, bon, mais on descend jusque à la bataille de la Vaumarie, à laquelle participe Genevoix, sur les hauteurs des Boisés, jusque près de Bar-le-Duc, la vallée de l'Ornain, Revigny-sur-Ornain, où là s'inscrit la contre-offensive. Contre-offensive qui est, alors c'est assez remarquable, elle se passe en forêt, pour une part, près de Revigny, cette contre-offensive. Et là, un des membres de l'état-major de l'armée et d'une des divisions dit « Pour qu'on ait toutes les chances de notre côté de la contre-offensive, il faut faire venir un forestier qui connaisse, qui soit intégré chez nous. » Et là, ça ramène à toute une question qui est l'intégration des forestiers dans l'armée, faire venir le forestier qui va nous montrer les chemins, parce qu'il les connaît. Et là, c'est une des premières manifestations pendant la guerre de ce rôle de ces forestiers. Et la contre-offensive se fait. Mais cette contre-offensive, elle ne pénètre pas dans la forêt d'Argonne. Elle se fait de part et d'autre. On hésite. On a peur. On a peur de quoi ? Et on a peur, la guerre, comme le dit un historique d'un des régiments qui participent, ce sont ces formules condensées qui ont beaucoup de signification, si vous voulez. La guerre des plaines n'est pas la guerre des bois. C'est une autre forme de guerre. C'est tout à fait autre chose. Parce que faire pénétrer une troupe qui encore, à l'époque, marche en ligne. Comment marcher en ligne dans les bois ? C'est du bruit. C'est l'impossibilité, quand on a un fusil prolongé d'une baïonnette, de marcher à l'intérieur de fourrés plus ou moins denses. C'est très délicat, c'est très difficile. On perd le son, on perd la vision de son camarade, on perd d'une escouade à l'autre, et évidemment d'une compagnie à l'autre, les contacts. Ce qui fait que, lorsque le front se stabilise vers la fin, la deuxième quinzaine du mois d'octobre 1914, on n'a pas encore pénétré. Et là, il y a une césure, un hiatus d'une quinzaine de kilomètres entre les armées face à face en Champagne, les armées face à face en Lorraine, à l'ouest de Verdun, et puis cette césure. Et il faut bien quand même relier les fronts. Il faut quand même pénétrer. Et alors là, on a des récits. J'ai travaillé sur ces questions-là. Comment, petit à petit, mètre par mètre, puis kilomètre par kilomètre, on avance dans la forêt. On crée cette ligne. On fait les tranchées. On déboise. On fait des abatis. On essaye de créer de la visibilité. On n'entend pas très loin l'ennemi. C'est tout à fait un monde différent. La guerre en forêt n'est pas la guerre des plaines. Et là, on le sent très pertinemment à travers ceux qui ont pu, soit par des éclairs de concision, comme le JMO, le journal de marche les historiques dont je vous parlais, soit alors par une vision, une lecture d'écrivains, comprendre la relation ou approfondir cette relation de l'homme à la forêt. Verdun. La forêt s'en va en guerre dans le cours de l'histoire sur France Culture avec nous aujourd'hui. Xavier Lucas, bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier Lucas, vous êtes technicien forestier territorial. Donc c'est l'ONF, c'est l'Office National des Forêts qui est là avec nous. Et pour l'agence de Verdun particulièrement, vous pouvez nous parler de ce que vient d'évoquer Jean-Paul Hamma. La guerre en plaine n'est pas la guerre en forêt. Qu'a de particulier cette guerre en forêt ? En fait, il faut se mettre à la place des soldats. Enfin, aujourd'hui, quand vous allez en forêt, est-ce que vous sortez des sentiers battus ? Est-ce que vous osez franchir la forêt en ligne droite à travers bois ? Je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. Voilà, c'est toujours la crainte. On a peur de sentir des sentiers. Et en fait, le soldat, c'est pareil. Il n'a pas la visibilité de l'ennemi. Et donc, du coup, il a peur du contact pas préparé, donc il va hésiter à entrer comme ça en forêt sans préparation. Et puis il y a aussi le fait, Xavier Lucas, que la forêt rend les choses cachées. C'est vrai que nous avons les premiers avions avec la Première Guerre mondiale, mais une forêt cache, et puis l'arbre lui-même cache ce qu'il y a derrière. Il y a ce mystère, mais alors là, qui nous conduit presque dans un imaginaire, une représentation de la forêt qui fait que cet espace un peu sombre, où le son n'est pas le même qu'ailleurs, un peu terrifié pour ceux qui ne le connaissent pas. Même ceux qui connaissent la forêt, arriver dans une nouvelle forêt, c'est un monde nouveau. Oui, tout à fait. Et puis, on peut aussi prolonger l'expérience en imaginant la forêt de nuit. Aller en forêt de nuit, écouter les bruits, c'est totalement dépaysant et on est dans l'inconfort. Donc, la forêt, c'est un lieu mystérieux. Ça garde une certaine légende, ça garde une certaine ambiance qui met les gens, qui peut mettre les gens mal à l'aise. Et donc, le soldat à l'époque, forcément, se retrouvait dans ces mêmes situations. Même si après, il utilisait aussi la forêt, les arbres pour pouvoir observer lui-même. Donc, on retrouve encore en forêt ce qu'on appelait des arbres observatoires où ils aménageaient des plateformes en hauteur pour pouvoir justement observer l'ennemi et voir les mouvements de l'ennemi et anticiper d'éventuelles attaques. Il n'est pas possible de déployer dans la forêt ce qui est déployé en plaine, c'est-à-dire ce système de réseau de tranchées, d'ailleurs extrêmement complexe. Ou en tout cas, s'il est possible de le faire, il faut l'adapter. Parce que, je sais pas, pour tous ceux qui ont fait un peu de jardinage, essayer de creuser quand il y a des souches d'arbres, c'est beaucoup plus difficile que de creuser sur un terrain qui est complètement dégagé. Xavier Lucas. Oui, ah oui, bah il y a cette difficulté là, et puis bah aussi la forêt garde plus l'humidité, donc bah creuser dans des terrains lourds, dans des terrains des terres qui collent, forcément c'est pas le même travail que dans la plaine où vous pouvez dégager rapidement les déblais, etc. En forêt, le travail est complètement différent. La forêt, qui est un lieu très particulier, hein, Jean-Paul Hamard. C'est un lieu toujours mystérieux, mais dans un contexte de guerre, c'est un lieu qui est extrêmement ambivalent, en fait. Parce que, à la fois, il permet à certains de se cacher, ou de cacher des réserves de munitions, du matériel, et en même temps, il gêne. Enfin, c'est un lieu complexe, la forêt, pour un militaire, au moment où il regarde les cartes pour déplacer les troupes. C'est un lieu complexe. C'est un lieu qui permet aussi d'avancer à l'abri, de déplacer les troupes, qui permet de créer des couloirs de canalisation, des passages, des chenaux qui soit permettent d'avancer, soit contrôlent des avancées ennemies et donc peuvent être balayées par des bombardements. Ce sont des lieux qui, selon leur géométrie, permettent aussi d'avancer, de rendre mobiles des troupes en se déplaçant sur un espace très particulier de la forêt, qui est la lisière. Donc cet espace entre le monde forestier qui se développe dans la verticale verticale aérienne et verticale souterraine, comme le disait Xavier Lucas, hein, d'où cette difficulté à travailler en forêt, et puis le monde ouvert permet d'intégrer la forêt à l'organisation du front. C'est ainsi que, quand on regarde statistiquement la disposition des systèmes de tranchées dans les premières positions, deuxième, troisième position, très souvent, lorsque il existe des bois, les tranchées sont mises en ado, les bois sont en ado, les tranchées sont devant. Les tranchées, c'est-à-dire, en fait, quand on parle des tranchées, c'est les tranchées de première position, avec la ligne de départ, la ligne de soutien et la ligne des arrières. Une position, la première position, comme la deuxième ou la troisième, à quelques kilomètres derrière, éventuellement une quatrième position qui forme la totalité du front. En fait, ce qu'on appelle la tranchée, la ligne de tranchée, c'est la ligne de départ, la ligne de feu, c'est elle. Mais derrière, à quelques dizaines de mètres, il y a la ligne de soutien qui est là peuplée lorsque les attaques se font des troupes qui viendront en relais ou qui viendront en soutien, et les lignes de réduit derrière. Donc, on a là une organisation. Et très souvent, ces tranchées, lorsque c'est possible, se mettent en ado d'un bois. Et c'est très symptomatique dans les espaces qui sont très ouverts, mais malgré tout, où le bois est présent. Des bois géométriques, comme on a appelé les bois de champagne, dans les savards, des bois qui se sont constitués à partir des années 1850, dans une sorte d'économie capitalistique de la forêt de résineux. Des bois, mais c'est des bois géométriques parce que ce sont des individus qui plantent, et selon la disposition des parcelles, soit de propriété, soit d'exploitation, les bois sont géométriques. Ces bois sont tous nommés, c'est extraordinaire. Hein. Le bois en T, le bois en H, le bois en U, le bois des corbeaux, le bois des G, le bois des... Tous ces bois ont des noms pendant la guerre sur le front de Champagne parce que ce sont des lieux majeurs. Lorsqu'après on a à cartographier, en particulier faire les cartes de terrain, les cartes dites de canevas de tir, les bois sont des lieux, des amers, des lieux sur lesquels on peut se fixer et fixer une organisation. De la poésie dans ces noms de bois, vous avez raison Jean-Paul Hamard, de la poésie aussi dans le vocabulaire forestier que vous utilisez, et étonnamment toujours, la poésie est partout et c'est tant mieux, même pendant la guerre, Apollinaire. Cette boue est atroce au chemin des trempés, les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, les amants vont mourir. Aimantes les amantes. j'entends le vent gémir dans les sombres sapins, puis je m'enterrerai dans la mélancolie. Oh Malou, tes grands yeux étaient mes seuls copains. N'ai-je pas tout perdu puisque mon loup m'oublie ? 1915, année où tant d'hommes sont morts. Va-t'en, va-t'en aux enfers des furies. Jouons, jouons aux dés, les dés marquent les sorts. J'entends jouer aux dés les deux artilleries. Adieu, petit ami. Oh loup, mon seul amour. Oh mon esclave enfui. Notre amour qui connut le soleil, pas la pluie, fut un instant trop court. Jean-Louis Trintignant qui disait un extrait de Poème à loup de Guillaume Apollinaire. Trintignant, Apollinaire, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Lucas Finet et Jean-Frédérix, le cours de l'histoire à Verdun. Dans les forêts, avec cette complexité de la notion de forêt pendant la guerre, puisque vous nous l'avez bien rappelé, il faut pas tout mélanger, hein, Jean-Paul Hamard. Il y a une forêt à Verdun aujourd'hui qui a été construite après la guerre, mais les soldats, les poilus de la Première Guerre mondiale s'appuyaient aussi sur les forêts, mais ces forêts, dès lors, étaient-elles abîmées, ces bois, étaient-ils bombardés, y avait-il une volonté de la part de l'ennemi d'effacer ces forêts qui pouvaient gêner ? Bien sûr, la forêt est un masque, il faut démasquer. Démasquer, c'est offrir à l'aviation un espace ouvert, à l'aviation d'observation, puis aux commandes de l'artillerie. Donc, ouvrir les bois, enlever le masque. Et cela se fait essentiellement dans la deuxième moitié de la guerre par les bombardements. Des bombardements localisés, focalisés sur la forêt. Et là, elle perd son effet de masque et pour le soldat, elle perd aussi cette dimension qui est presque une dimension maternelle. Et c'est là le côté ambivalent. La forêt est menaçante lorsqu'on y combat parce que on a peu de chances de voir l'ennemi qui peut se masquer, qui peut se cacher aussi bien que vous derrière un tronc. Mais c'est une forêt aussi maternelle parce qu'elle protège. Voici encore un texte de Maurice Genevoix. Oh, il y a beaucoup de, il y a d'autres poètes. Charles Vildrac a écrit des vers très intéressants. Sur aussi sur la sève qui s'écoule des troncs des forêts. Genevoix, je suis allé dans la forêt et j'y resterai tout le jour. Seul, je descendrai dans ce trou qui vient de s'ouvrir à mes pieds, c'est le bombardement. Entre les racines du plus gros des êtres, c'est la verticalité, c'est le sol. Je m'y assoirai du côté du soleil et personne ne me verra et personne ne pensera plus à moi. Peut-être qu'alors je m'engourdirai, que j'oublierai mon corps et rêverai très loin d'ici. Donc ceci est vécu par tous les soldats, ceux qui peuvent l'exprimer, ceux qui l'expriment intérieurement sans l'exprimer extérieurement, ceux qui le consignent dans des écrits. Et disons, c'est ça qui a été une des valeurs, un des apports remarquable du centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est cette recherche, cette ouverture vers des archives individuelles hein, où chacun peut, alors dans une lettre, dans des lettres, qui lorsqu'elles échappent à la censure, ou ensuite dans des récits personnels ou autres, raconter leur relation intime avec la forêt. On a donc là des relations qui sont individuelle et collective. C'est un des espaces, une des formes d'occupation de l'espace qui est certainement la plus ouverte à la sensibilité, à l'expression, de relations. Relations avec son camarade, relations avec Porcher, par exemple, pour Genevoix, relations avec ses hommes, pour un officier, pour un sous-officier. C'est pas la relation, finalement, quand on voit, quand on entend s'exprimer, c'est pas la relation qu'on peut avoir avec l'arbre, qui est alors vraiment une incarnation d'un être vivant, une incarnation, une anthropisation très, très, très nette, très, très forte. Oui, à un moment où les émotions sont exacerbées, la sensibilité est exacerbée pendant la Première Guerre mondiale avec l'horreur des combats. Xavier Lucas, cette forêt qui existait dans les zones de combat avant la guerre, qu'en reste-t-il ? Y a-t-il des arbres qui ont traversé l'ensemble de cette horreur ? Alors oui, on retrouve des arbres en forêt qui portent encore les traces de la guerre. Bah, on peut avoir, on a deux cas. On a soit des restes d'arbres, en fait. Donc maintenant, beaucoup des chênes, hein, puisque c'est celui qui perdure le mieux. Mais on va retrouver des restes de troncs avec, quand on regarde à l'intérieur, bah, on va retrouver une balle, on va retrouver un éclat, on va retrouver des traces comme ça des combats. Et puis il y a d'autres arbres qui ont survécu au combat. Des endroits où les combats sont passés plus rapidement, où le bombardement était moins intense. Et là, c'est au moment où on va couper l'arbre qu'on va se rendre compte, bah, que pareil, qu'il y a des éclats dans le bois. Alors ça fait un peu mal aux chaînes de tronçonneuses, mais et puis après dans les scieries, c'est un peu plus compliqué à valoriser. Mais voilà, ça, c'est des arbres qui gardent les traces des combats, des témoins qui sont encore là. Oui. Et puis la forêt elle-même, là où était la forêt, que s'est-il passé d'ailleurs après la guerre ? Parce qu'il y a les arbres détruits, mais il reste au moins la base du tronc, il reste la souche. Qu'a-t-on fait ? Parce qu'il y a eu toute une organisation des forêts, on ne peut pas laisser ça comme ça. Les forêts ont été replantées ou alors a-t-il été décidé de tout enlever et puis d'ouvrir ces espaces ? Et en fait, il y a eu plusieurs cas de figure. Sur les zones qui étaient vraiment terres agricoles, bon, là, on a été obligé de passer par la plantation, mais après tous les bois qui existaient, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une dynamique naturelle qui se mettait en place. Hein. Les graines étaient là, les restes de souches pouvaient repartir. Et donc aujourd'hui, bah, ces espaces-là, on les retrouve en forêt à Verdun. Au milieu des résineux, on va retrouver des espaces de feuillus, de hêtres, de chênes, qui sont en fait les descendants de ces petits bois qui existaient avant-guerre. Et puis, vous dites, les graines étaient là, et on peut même ajouter que de nouvelles graines arrivaient. Ça, c'est extrêmement étonnant, parce que ça rappelle sur un espace local, un petit coin de terre où l'on voit pousser une plante, que cette guerre était authentiquement mondiale. Oui, exactement. Il y a ce qu'on appelle les plantes obsidonales, donc qui sont en fait arrivées avec les soldats, soit dans leur équipement, dans les chaussures, dans les sacs. Et donc, on a plusieurs espèces comme ça qui sont installées en forêt et qu'on ne connaissait pas avant la guerre. Du genre ? Alors, par exemple, ce qu'on appelle le Carex brizoides, qui est une plante qui a été amenée par les Allemands, ou alors il y a des plantes qu'on retrouvait dans le fourrage des chevaux. Donc, par exemple, l'herbe aux yeux bleus du Montana, qui est une plante typiquement américaine et qui est arrivée avec les troupes américaines en Meuse. Après la guerre, il n'y a pas que des graines qui se retrouvent sous terre. Ah, dis donc, Siemens et Schuchert ont rejoint l'Union Rael de Charbonnage et Scierie. Et alors ? Siemens et Schuchert, c'est des Allemands. Oui, alors ? Je trouve que pour les vaincus, c'est bien mieux que les vainqueurs. Vaincu ou vainqueur, c'est encore beau d'être encore sur nos vieux vols. Hein. Tiens, voilà la petite Alice, on dirait. Oui, c'est elle, elle revient. Ah, l'espoir soulève les braguettes. C'est pas malheureux de parler comme ça, des femmes vous d'avoir. C'est vous un peu, mon Dieu. Le petit demande des démineurs. Vous entendez, elle parle des démineurs. Oh. Il n'y aurait personne à leur baraque. Bonjour, monsieur Georges, bonjour, monsieur Louis. C'est son oncle, la belle masquée, qui demande des déminages. Son cheval a soulevé un gros obus. Oh merde, les démineurs, ils sont au bois Fartou, puis il y a un grand moment qu'ils sont partis. Ils seraient au bois Fartou. Mais je peux y faire un saut à bécane. Non, moi, tu saurais ? Si tu sais en faire, je te la prête pour y aller. Un extrait du film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier en 1989 avec bien les traumatismes de la forêt, les traumatismes des hommes, le traumatisme du sol qui ne s'arrête pas le 11 novembre 1918. Ça continue, Jean-Paul Hamma, longtemps après. Ça continue, en effet, et je voudrais dire quelques mots là pour remettre cet extrait de film et votre interrogation dans le contexte, c'est que cette forêt de Verdun, on peut l'approcher en essayant de réfléchir à la notion de fabrique territoriale. On fabrique une forêt après 1918. On fabrique un territoire. Et quand je dis « on », ben c'est des collectivités. Collectivités nationales, collectivités territoriales locales, associations d'anciens combattants, etc., participent à cette création. Cette création, elle commence... Le monde bascule au cessez-le-feu, 11 novembre. C'est le cessez-le-feu. Mais la notion de cessez-le-feu, là, pour ce qui nous intéresse, a vraiment du sens. Parce que qu'est-ce qui s'arrête et qu'est-ce que les hurrahs, les cris de satisfaction des soldats se tournent vers quoi? Ils se tournent vers le silence qui apparaît sur le front. Et ce silence, c'est la fin des bombardements. C'est la fin de l'action des canons, des multiples types de canons hein, qu'on peut développer selon les munitions, les calibres, etc. Mais qu'on peut aussi voir dans le terme officiel de ce qu'est un canon, une bouche à feu. C'est le vieux mot, une bouche à feu. Le feu s'interrompt. Les bouches à feu ne crachent plus. Et les coups de poing que ces canons envoient aux hommes... ont disparu. Et c'est là que on voit réapparaître alors la seule bouche à feu qui reste, c'est le soleil. Le soleil, même en ce 11 novembre, le soleil fait de nouveau son apparition en tant que seul élément d'apport d'énergie. Les grandes contraintes énergétiques, puisqu'on est dans la semaine ou dans la rentrée sur le plan national ou international, des questions énergétiques, là aussi. Nous avons, en quelques minutes, le remplacement d'une énergie extraordinaire, qui est une énergie qu'on appelle auxiliaire de guerre, polémologique, qui vient dans les systèmes, les agro-systèmes, les villes, etc., qui insuffle un intrant énergétique considérable, qui a masqué tous les autres intrants énergétiques qui font vivre un écosystème. Et puis ça s'arrête. Et le moteur réapparaît. Le moteur, c'est plus un coup de poing, c'est une caresse, c'est la caresse du soleil. Et ainsi, une bifurcation extraordinaire apparaît, là, sur ce champ de bataille, qui est, en termes écologiques, la première ayant été le passage des agro-systèmes au polémo-système, l'intrusion, l'action, l'arrivée d'une dépense énergétique considérable, elle s'arrête. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là que on peut appliquer cette formule éculée, hein, la nature reprend ses droits. Bon, la nature recommence à sourire, oui, parce que là, le soleil réapparaît. Or, le soleil, c'est lui qui apporte l'énergie fondamentale écologique pour assurer la production de biomasse. Biomasse animale, pyramide écologique, puis biomasse végétale, biomasse animale, etc. Et donc, on rentre dans un autre moment. Dans un autre moment qui est la reprise de l'activité écologique sur ces terrains détruits. Mais en même temps se pose la question, qu'en faire? Ils avaient bien une fonction avant la guerre. Ils étaient terres agricoles, ils étaient vergers, ils étaient jardins, ils étaient villages ou villes. Cette fonction a disparu. C'est toute la question, alors, de l'association, d'une reprise du fonctionnement écologique des milieux et d'une intervention humaine anthropique et puis sociétal sur ces milieux. Qu'en faire? Planter. Alors, qu'en faire? Oui, mais qu'en faire en 1818? On y réfléchit depuis 1918, on y réfléchit depuis 1915. Ouais, parce que c'est vrai, la question, elle est terrible, vous avez raison, ce sont des terrains absolument détruits. Détruits. Et réapparaît. Juste, en écho à ce que vous venez de dire, nous parlons beaucoup des végétaux et des arbres, mais la faune de la forêt aussi revit, profite du soleil. Elle profite du soleil. Les rats, Les millions de rats qui accompagnaient les soldats, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont s'attaquer aux morts qui sont là, etc. Mais la commensalité avec le soldat vivant ne va plus être là. Les poux, c'est pareil. Mais ça représente de la biomasse, tout ça. Hein, on parle des rats urbains aujourd'hui. Mais là, c'est des millions de rats sur les champs de bataille. Et puis, il y a tout. Il y a les oiseaux. Tiens, ils n'entendent plus. Les oiseaux reviennent. Hein. Les animaux commencent à réintégrer. Et puis, il y a des parties sur ce champ de bataille qui sont moins détruites. Et il y a, comme disait Xavier Lucas tout à l'heure, les stocks de graines dans le sol. Le stock séminal, qui n'est pas, si je puis me permettre. Allez-y. C'est Ernst Jünger est aussi un naturaliste. Dans Lieutenant Sturm, il est posté à 2 ans d'intervalle en première ligne au sud d'Arras. Et en 1918, 7 juillet, au moment du Friedensturm, de la bataille de juillet, au moment d'évacuer ce secteur après la grande offensive de la Somme en juillet 16, 2 ans avant, on n'y voyait plus un brin d'herbe et cette bande de terrain était dans toute sa profondeur absolument comparable au Sahara. C'est un naturaliste, hein. Mais d'innombrables obus avaient eu beau arracher et brûler jusqu'à la dernière racine, la vie persistait dans le sol grâce à des millions de graines ignorées. Et elle reprit immédiatement possession de la terre labourée par les artilleries. Et lorsque la grande offensive du printemps 1918 dut s'arrêter ici même, les canons reprirent leur travail de destruction en bouleversant à nouveau, trou d'obus par trou d'obus, le tapis de verdure qui avait recouvert le sol. Et il a cette phrase extraordinaire. Cet aphorisme-là, cette petite phrase. La germination est plus puissante que 1000 avions. Oui. La nature reprend ses droits, mais dit d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus belle, Xavier Lucas. La nature reprend ses droits, la germination reprend de manière naturelle. Mais dans le cas de Verdun, il y a une action humaine aussi. Il y a cette forêt. Cette forêt, quelle est-elle? Alors la forêt, à la fin de la guerre, en fait, quand on décide de planter, à l'époque, on s'oriente plutôt vers des essences, des variétés résineuses, parce que qui sont plus rustiques. On pensait que les sols étaient mis à nu et complètement, infertiles. Donc, on choisit le résineux. Donc, on va planter de l'épicéa, on va planter du pin noir. Et puis, au fil du temps, se pose aussi la réflexion du renouvellement de ces forêts. Et donc là, est pris la décision de transformer cette forêt résineuse en forêt feuillue. Et donc là, depuis les années 70, 1970, on plante massivement des hêtres pour transformer cette forêt et avoir une forêt de feuillue plus en accord avec les forêts qui sont aux alentours. Quelle est l'ambition de cette forêt? Mais même après la guerre, au moment d'imaginer de boiser, et je dis boiser plutôt que reboiser cet espace-là, est-ce qu'il y a une volonté plutôt mémorielle ou alors d'utilité? On ne sait pas quoi faire de ces espaces ou peut-être même des objectifs économiques. En fait, quand cette décision de boiser est prise, ça entraîne une grande polémique. Parce que les anciens combattants, eux, veulent conserver les traces des combats. Ils veulent garder le secteur de Verdun dans l'état et qu'on puisse se rendre compte des combats. Mais en fait, vu la dynamique qui se met en place, on se rend compte qu'une forêt aurait aussi son intérêt parce qu'elle ferait comme une couverture sur le champ de bataille et qui garderait la trace de ces combats. Donc après au fil du temps, vu la surface de la forêt, les 10 000 hectares, forcément que cette forêt a pris sa place dans la filière forestière, dans la production de bois au niveau local, et c'était plus ou moins déjà réfléchi à l'époque, puisque les pins noirs ont été choisis à l'époque aussi parce que c'est un bois qui est très résistant, qui casse mais pas de façon brutale, de façon plutôt longue, en prévenant, et c'était des bois qui servaient à étayer les mines. Et en fait, à la fin de la guerre, on récupérait les bassins miniers dans les secteurs de Lorrain. Et donc, ces pins noirs, on pensait pouvoir les utiliser 100 ans après dans les mines pour pouvoir étayer les mines. On voit aujourd'hui que l'utilisation est complètement différente. Mais la forêt de Verdun a son importance dans la filière forestière locale, ici en Lorraine. Xavier Lucas, et puis cette forêt a préservé la mémoire des lieux, la mémoire de la guerre, et c'est très important. Hein. On peut aller encore aujourd'hui à Verdun, il y a toujours l'Office National des Forêts qui s'occupe de tout cela. Que voit-on dans cette forêt de Verdun, ces traces de la guerre ? Alors les traces de la guerre, c'est vrai que la forêt a vraiment conservé toutes ces traces. Et ce qu'on va avoir en premier lieu, ça va être les trous d'obus. Mais cette succession de trous d'obus sur 10 000 hectares, c'est partout. Il n'y a pas un mètre carré qui n'a pas été touché par un obus. Après, souvent, on nous demande les tranchées à Verdun. Alors les tranchées, par contre, vous n'en trouverez pas à Verdun, puisque le combat était tellement intense qu'ils n'avaient pas le temps de creuser de position. Donc on va retrouver plutôt les boyaux, plutôt des petits aménagements comme ça, mais c'est vraiment les trous d'obus qui prennent qu'on voit en premier. Et justement cette présence encore, cette masse de trous d'obus, nous amène un peu, nous permet de nous mettre quelque part à la place du soldat. On se retrouve en forêt dans le silence. Seul, et puis quand vous êtes dans un trou d'obus, vous imaginez la place du soldat là, qui subissait le bombardement, qui avec le bruit, avec les fumées, avec les explosions tout autour, et en fait, ça nous permet de rentrer un peu dans la peau, on va dire, du soldat de l'époque, et d'essayer d'imaginer un peu ce qu'ils ont pu vivre. Dans votre travail, d'ailleurs, tous ces soldats, beaucoup ne sont pas revenus, ont disparu, et ces forêts préservent tout ce qui s'est passé. Ça arrive de retrouver encore, parce que c'est le travail de l'ONF, l'Office National des Forêts, d'occuper ces territoires, de s'en occuper, de retrouver encore des restes de soldats. C'est très régulièrement, oui, qu'on retrouve des restes de soldats. Et on parle vraiment de restes parce que de temps en temps, ça va être un corps complet. Puis le plus souvent, c'est des morceaux. Ça va être une mâchoire, ça va être un bout de fémur ou des ossements comme ça qu'on retrouve. Alors après, c'est pas notre travail de chercher à identifier ou quoi. Donc on prévient les services compétents qui viennent après puis qui cherchent des indices. Est-ce qu'on peut nommer le soldat qu'on retrouve là et pouvoir essayer de retrouver la famille, pouvoir lui donner une sépulture décente et puis qu'il puisse perdurer, enfin que quelqu'un puisse faire perdurer son souvenir. Oui. Oui, c'est ça qui est le plus important, parce que c'est ce travail aussi de mémoire qui est essentiel. Les forêts de la Grande Guerre, histoire, mémoire, patrimoine, c'est votre ouvrage, Jean-Paul Hamma. Ce travail sur la forêt dans la guerre est très particulier parce que nous sentons que ici nous avons un acteur, et vous avez beaucoup utilisé ce mot de sensible, et c'est ça aussi qui nous relie à la forêt en tant que telle et à l'arbre même en particulier. Oui. Vous avez des nécropoles, vous avez des cimetières. La Lorraine est marquée par ces cimetières de la Grande Guerre. Mais sous la forêt de Verdun, on estime qu'il y a encore entre 70 000 et 80 000 morts. Et les statistiques qui se sont précisées décennie après décennie, réduisent cette fourchette entre 70 et 80 000. 9 600... hectares, ça représente 8 soldats morts par hectare, c'est-à-dire un carré de 100 mètres sur 100 mètres, qui sont encore peut-être dans la racine, comme disait Xavier Lucas, on les retrouve. On en retrouve et on les identifie en tant qu'individus, et donc ils ont droit à une sépulture, où on trouve ce qu'on appelle aujourd'hui des restes humains, des os et autres, et ils vont en ossuaire. Mais on en retrouve constamment. Les travaux. C'est donc un linceul. Hein. Cette forêt est un linceul. Elle est donc, en ce sens, tout à fait remarquable. Et comme la forêt de Troncé, dont on parlait hier, elle fait partie de ce réseau, ce groupe de 16 forêts dites forêts d'exception. Parce que là, elle porte en elle toute une histoire de sa création sur les terres abandonnées par la Grande Guerre. Et elle est aussi un lieu d'identification, un lieu de découverte, un lieu de pédagogie, un lieu de culture, un lieu d'histoire et d'histoire européenne. Et la pédagogie, vous venez d'utiliser le mot, Jean-Paul Hamma, est essentielle parce que Il est possible d'aller dans cette forêt, de la visiter, l'Office national des forêts est là, d'être guidé. Et c'est vrai que c'est très pertinent, cette approche de la Grande Guerre par la forêt. Donc vivement, vivement merci à tous les deux, Xavier Lucas et vous, Jean-Paul Hamas. Et je rappelle, les forêts de la Grande Guerre, histoire, mémoire, patrimoine, que vous publiez aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université. Et puis Vertin, terre de santé, le secours aux blessés, un héritage 1916-2016. Parce que c'est vrai que cette forêt, pour l'ouvrage que vous avez écrit avec François-Xavier Long, c'est ça aussi, c'est le après. C'est le après. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi la rentrée a-t-elle lieu chez nous au début du mois de septembre ? Chaque année, l'actualité des premiers jours de septembre est dominée par ce que nous appelons la rentrée. Ce calendrier, qui concerne les élèves et les professeurs de l'enseignement primaire et secondaire, s'est progressivement imposé dans la plupart des sphères d'activité, car la majorité des salariés sont aussi des parents d'élèves contraints de s'adapter au rythme scolaire pour fixer leur congé d'été. Je m'appuierai aujourd'hui sur cette actualité pour montrer comment nous avons progressivement intériorisé des décisions qui ont été au départ imposées au sommet de notre État national. Force est de constater qu'au début du mois de septembre, le rituel de la rentrée est plus marqué en France que dans les pays voisins. En Allemagne ou au Royaume-Uni, l'événement a beaucoup moins d'importance car les dates des vacances d'été sont décentralisées au niveau des régions, les Länder dans le cas allemand, voire même au niveau des autorités locales, comme chez nos voisins d'outre-Manche. C'est ce qui explique que les dates de rentrée puissent s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà un bon exemple pour montrer comment le passé des nations pèse toujours sur leur présent. En France, la répartition du temps scolaire a été fixée dans ses grandes lignes au début de la Troisième République, il y a près d'un siècle et demi. Auparavant, le calendrier des vacances variait d'une région à l'autre, car il était adapté aux contraintes d'une société encore largement rurale. Cette diversité s'expliquait aussi par des raisons sociales. À la fin du XIXe siècle, seulement 2 ou 3% d'une classe d'âge, des garçons pour la plupart, avaient accès à l'enseignement secondaire. Dans les collèges et les lycées, les cours cessaient généralement à la mi-août quand les familles aisées rejoignaient leur résidence secondaire. La rentrée avait lieu début octobre, lorsque s'achevait la saison de chasse. Avec l'application des lois Ferry de 1882 et 1886, rendant l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, une réglementation nationale a été mise en place, fixant les horaires des cours, la répartition des disciplines et les dates des congés. L'arrêté du 4 janvier 1894 fixa à 6 semaines minimum la durée des vacances d'été. Mais celle-ci fut rapidement étendue à 8 semaines, pour atteindre 10 semaines du 15 juillet au 1er octobre sous le Front populaire. Le triomphe de la société salariale et les développements du tourisme provoquèrent ensuite les évolutions qui caractérisent le système actuel. Les grandes vacances commencent au début du mois de juillet. Elles s'étendent sur 2 mois seulement en raison du fractionnement des congés entre vacances d'été, vacances d'hiver et de printemps. Bien que ces modifications aient toujours été justifiées au nom de l'intérêt de l'enfant, on voit qu'en réalité, la question du temps scolaire a été constamment au centre de préoccupations et d'intérêts complexes, d'ordre religieux, économique, social, politique et proprement éducatif. Ce qui n'a pas changé, depuis la fin du XIXe siècle, c'est la persistance d'une logique étatique centralisée, impulsée d'en haut par le ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup Gérard Noiriel et merci aussi aux équipes techniques de France Bleu Lorraine, notamment à Lucas Laffineur d'avoir permis ce duplex pour nous parler de Verdun. Merci à toute l'équipe du cours de l'histoire, Anne-Toscane Viudet, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Violette Ruiz et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France où vous retrouvez toutes nos archives et vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.